Une vague déferla, courut sur la grève humide et lécha les pieds de Robinson qui gisait face contre sable. À demi inconscient encore, il se ramassa sur lui-même et rampa de quelques mètres vers la plage. Puis il se laissa rouler sur le dos. Des mouettes noires et blanches tournoyaient en gémissant dans le ciel céruléen où une trame blanchâtre qui s'effilochait vers le levant était tout ce qui restait de la tempête de la veille. Au nord et à l'est, l'horizon s'ouvrait librement vers le large, mais à l'ouest, il était barré par une falaise rocheuse. C'était là, à 2 encablures environ, que se dressait la silhouette tragique et ridicule de la Virginie, dont les mâts mutilés et les haubans flottant dans le vent clamaient silencieusement la détresse. Robinson se leva et fit quelques pas. Il ramassa une branche pour s'en servir de canne et il s'enfonça dans le taillis d'épineux qui couvrait le pied des promontoires volcaniques du sommet desquels il espérait pouvoir s'orienter. Après plusieurs heures d'escalade, il parvint au pied d'un massif rocheux, à la base duquel s'ouvrait la gueule noire d'une grotte. Il s'y engagea et constata qu'elle était de vaste dimension et si profonde qu'il ne pouvait songer à l'explorer sur le champ. Il ressortit et entreprit de se hisser au sommet du chaos qui semblait être le point culminant de cette terre. De là, en effet, il put embrasser tout l'horizon circulaire du regard. La mer était partout. Il se trouvait sur un îlot dépourvu de toute trace d'habitation. C'est l'île de la désolation, dit-il simplement, résumant sa situation par ce baptême impromptu. Lorsque Robinson redescendit vers le rivage, il avait subi un premier changement. Il était plus grave, c'est-à-dire plus lourd, plus triste, d'avoir pleinement reconnu et mesuré cette solitude qui allait être son destin pour longtemps, peut-être. Les jours qui suivirent, il les employa à signaler sa présence par tous les moyens que lui présenta son imagination. Tournant le dos obstinément à la terre, il n'avait d'yeux que pour la surface bombée et métallique de la mer d'où viendrait bientôt le salut. La vaste plaine océane le fascinait et lui parut que l'île, ses rochers, ses forêts n'étaient que la paupière et le sourcil d'un œil immense, bleu et humide, scrutant les profondeurs du ciel. Cette image l'obséda au point qu'il dut renoncer à son attente contemplative. Il se secoua et décida d'entreprendre quelque chose. Construire un bateau de tonnage suffisant pour rallier la côte. Il décida de faire une incursion dans l'épave de la Virginie pour tenter d'en rapporter des instruments et des matériaux utiles à son dessein. Il réunit à l'aide de lianes une douzaine de rondins en un grossier radeau. Il lui fallut plusieurs jours pour transporter sur son radeau et mener à terre tout l'explosif qu'il trouva dans les soutes de la Virginie. Il rapporta également de l'épave 2 caisses de biscuits, une longue vue, 2 mousquets à silex, un pistolet à double canon, 2 haches, un marteau, une plane et un ballot d'étoupe. Il chargea aussi sur son radeau une grande quantité de planches. Il retrouva le barillet de tabac du capitaine, hermétiquement clos et à l'intérieur, la grande pipe de porcelaine intacte malgré sa fragilité. Enfin, il trouva une Bible en bon état. Dès le lendemain, il entreprit la construction d'une embarcation qu'il baptisa par anticipation l'Évasion. Malgré toutes ses recherches dans la Virginie, il n'avait pu trouver ni une vis, ni un clou. Il se résigna à jointer les pièces par mortaise et tenons. Il eut même l'idée de durcir les tenons à la flamme avant de les engager dans les mortaises, puis de les arroser d'eau de mer pour les faire gonfler et les souder ainsi dans leur logement. 100 fois, le bois se fendit sous l'action, soit de la flamme, soit de l'eau, mais il recommençait inlassablement, ne vivant plus que dans une sorte de torpeur de somnambule, au-delà de la fatigue et de l'impatience. Il travaillait lentement et comme à tâtons. Les jours se superposaient, tous pareils, dans sa mémoire. Il avait le sentiment de recommencer chaque matin la journée de la veille. L'évasion était terminée. Coupures, brûlures, estafilades, callosités, tavelures indélébiles racontaient la lutte opiniâtre que Robinson avait menée si longtemps pour en arriver à ce petit bâtiment trapu et ailé. À défaut de journal de bord, il regarderait son corps quand il voudrait se souvenir. Il convenait maintenant de mettre à l'eau sa nouvelle embarcation pour éprouver sa tenue en mer et assurer son étanchéité. Robinson décida de procéder au lancement. Mais il ne fut pas autrement surpris de l'impossibilité de traîner jusqu'à la mer cette coque qui devait peser plus de 1000 livres. Ce fut l'occasion pour lui de découvrir un aspect important de la métamorphose que son esprit subissait sous l'influence de sa vie solitaire. Il lui devenait de plus en plus difficile de songer à plusieurs choses à la fois. Et c'était ainsi qu'absorbé par la construction de l'évasion, il avait perdu de vue le problème de sa mise à flot. Once upon a time, loneliness, loneliness, loneliness. Once upon a time, face to face, face to face, face to face. Once upon a time, loneliness, loneliness, loneliness. Once upon a time, face to face, face to face, face to face. With ourselves, with ourselves. Perdu dans quelques ténèbres, fondu dans quelques glaces. J'allais sucrant les fraises, Emmanuel de Bulle. Quant au matin malaise, tout recommençait. Le passé s'annulait, le passé s'annulait. Once upon a time, loneliness, loneliness, loneliness. Once upon a time, face to face, face to face, face to face. With ourselves, sans toi pour me savoir, ni d'autres pour me porter. Ne suis-je pas le fantôme de l'inconnu fantassin, errant sans son binôme sous le ventre des marcassins. Et dans la langue des josaphones soufflait ma voix monotone. Once upon a time, loneliness, loneliness, loneliness. Once upon a time, face to face, face to face, face to face. Once upon a time, loneliness, loneliness, loneliness. Once upon a time, face to face, face to face, face to face. With ourselves, with ourselves. Peut-être qu'un jour soleil daignera me visiter. La chaleur, le mystère de l'autre à aimer. Et cet astre enfin clément, au festin d'un nouveau temps, soufflera sérénité, soufflera sérénité. Once upon a time, loneliness, loneliness, loneliness. Once upon a time, face to face, face to face, face to face. Once upon a time, loneliness, loneliness, loneliness. Once upon a time, face to face, face to face, face to face. With a once upon a time, loneliness, loneliness, loneliness. Once upon a time, face to face, face to face, face to face. Once upon a time, loneliness, loneliness, loneliness. Once upon a time, face to face, face to face, face to face. With a once upon a time, loneliness, loneliness, loneliness. Once upon a time, face to face, face to face, face to face. With a once upon a time, loneliness, loneliness, loneliness. Once upon a time, face to face, face to face, face to face. With a once upon a time, loneliness. Robinson ne savait plus depuis combien de temps il avait abandonné son dernier haillon aux épines d'un buisson. D'ailleurs, il ne craignait plus l'ardeur du soleil, car une croûte d'excréments séchés couvrait son dos, ses flancs et ses cuisses. Sa barbe et ses cheveux se mêlaient, et son visage disparaissait dans cette masse hirsute. Ses mains, devenues des moignons crochus, ne lui servaient plus qu'à marcher, car il était pris de vertige dès qu'il tentait de se mettre debout. Sa faiblesse, la douceur des sables et des vases de l'île, mais surtout la rupture de quelques petits ressorts de son âme, faisait qu'il ne se déplaçait plus qu'en se traînant sur le ventre. Il mangeait, le nez au sol, des choses innommables. Il faisait sous lui et manquait rarement de se rouler dans la molle tiédeur de ses propres déjections. Il se déplaçait de moins en moins et ses brèves évolutions le ramenaient toujours à la souille. Là, il perdait son corps et se délivrait de sa pesanteur dans l'enveloppement humide et chaud de la vase, tandis que les émanations délétères des eaux croupissantes lui obscurcissaient l'esprit. Seuls ses yeux, son nez et sa bouche affleuraient dans le tapis flottant des lentilles d'eau et des œufs de crapaud. Libéré de toutes ses attaches terrestres, il suivait, dans une rêverie hébétée, des bribes de souvenirs qui, remontant de son passé, dansaient au ciel dans l'entrelac des feuilles immobiles, lorsqu'il entendit de la musique. Irréelle, mais distincte, c'était une symphonie céleste, un chœur de voix cristalline qu'accompagnait des accords de harpe et de viol de gambe. Robinson pensa qu'il s'agissait de la musique du ciel, et qu'il n'en avait plus pour longtemps à vivre, à moins qu'il ne fût déjà mort. Mais, en levant la tête, il vit pointer une voile blanche à l'est de l'horizon. Avec des ricanements de démon, il se précipita vers la plage, tout en se griffant le visage, pour tenter de le dégager de la crinière compacte qui le couvrait. À mesure qu'il approchait, Robinson distinguait une foule brillante sur le pont du galion. Des couples dansaient noblement autour d'une table chargée de vaisselle d'or et de cristal. Personne ne paraissait voir le naufragé. Robinson hurlait, agitait les bras, s'arrêtait pour ramasser des galets qu'il lançait dans leur direction. Il tomba, se releva, tomba encore. Le galion arrivait maintenant au niveau des premières dunes. Robinson allait se trouver arrêté par les lagunes qui succédaient la plage. Il se jeta à l'eau et nagea de toutes ses forces vers le galion. À l'un des sabords, une jeune fille était accoudée. Robinson voyait son visage avec une netteté hallucinante. Il connaissait cet enfant. Il en était sûr. Mais qui ? Qui était-ce ? Il ouvrit la bouche pour l'appeler. L'eau salée envahit sa gorge. Un crépuscule glauque l'entoura, où il eut encore le temps de voir la face grimaçante d'une petite raie fuyant à reculons. Il lui fallut quelques heures avant de mettre un nom sur la jeune fille du galion. C'était Lucie, sa jeune sœur, morte adolescente il y avait 2 lustres. Ainsi, il ne pouvait plus douter que ce navire d'un autre siècle fût le produit de son imagination insane. Il se leva et regarda la mer. Cette plaine métallique avait été sa tentation, son piège, son opium. Il fallait, sous peine de mort, trouver la force de s'en arracher. L'île était derrière lui, immense et vierge, pleine de promesses limitées et de leçons austères. Il travaillerait. Il reprendrait en main son destin. Il consommerait sans plus rêver ses noces avec son épouse implacable, la solitude. Tournant le dos au grand large, il s'enfonça dans les éboulis semés de chardons d'argent qui menaient vers le centre de l'île. Ayant été frappé en lisant la Bible de l'admirable paradoxe par lequel la religion fait du désespoir le péché sans merci et de l'espérance, l'une des trois vertus théologales. Robinson décida que l'île s'appellerait désormais Speranza, nom mélodieux et ensoleillé, qui évoquait en outre le très profane souvenir d'une ardente italienne qu'il avait connue jadis. Il établit son dépôt général dans la grotte qui s'ouvrait dans le massif rocheux du centre de l'île. Après avoir entreposé les 40 tonneaux de poudre noire tout au fond, il y rangea l'ensemble des objets qu'il avait rapportés de la Virginie. Peu à peu, cette maison devint pour lui comme une sorte de musée de l'humain, où il n'entrait pas sans éprouver le sentiment d'accomplir un acte solennel. Il prit même l'habitude de ne pénétrer dans ces lieux qu'en habit, haut de chausses, bas et souliers, comme s'il rendait visite au meilleur de lui-même. Il s'avisa plus tard que le soleil n'était visible de l'intérieur de la grotte qu'à certaines heures du jour, et qu'il serait judicieux d'y installer une horloge ou une machine propre à mesurer le temps à tout moment. Après quelques tâtonnements, il choisit de confectionner une manière de clepsydre assez primitive. Ce qui m'est apparu tout à coup avec une évidence impérieuse, c'est la nécessité de lutter contre le temps, c'est-à-dire d'emprisonner le temps, dans la mesure où je vis au jour le jour, je me laisse aller. Le temps me glisse entre les doigts. Je perds mon temps. Je me perds. En restaurant mon calendrier, j'ai repris possession de moi-même. Il faut faire davantage désormais. Je veux, j'exige que tout autour de moi soit dorénavant mesuré, prouvé, certifié, mathématique, rationnel. Il faudra procéder à l'arpentage de l'île. Établir l'image réduite de la projection horizontale de toutes ces terres, consigner ces données dans un cadastre. Je voudrais que chaque plante fût étiquetée, chaque oiseau bâillé, chaque mammifère marqué au feu. Je n'aurai de cesse que cette île opaque, impénétrable, pleine de sourdes fermentations et de remous maléfiques, ne soit métamorphosée en une construction abstraite, transparente, intelligible jusqu'à l'os. Ma victoire, c'est l'ordre moral que je dois imposer à Speranza contre son ordre naturel qui n'est que l'autre nom du désordre absolu. Je sais maintenant qu'il ne peut être seulement question ici de survivre. Survivre, c'est mourir. Il faut patiemment construire, organiser, ordonner. Chaque arrêt est un pas en arrière, un pas vers la souille. Fleurs volantes amarrées au bouton d'amarante. Moi, Robinson, Tous ceux qui m'ont connu, tous sans exception, me croient mort. Quoi que je fasse, je n'empêcherai pas que dans l'esprit de la totalité des hommes, il y a l'image du cadavre de Robinson. Ma propre conviction que j'existe a contre elle l'humanité. Cela seul suffit, non certes à me tuer, mais à me repousser aux confins de la vie, dans un lieu suspendu entre ciel et enfer, dans les limbes, en somme, Speranza, ou les limbes du Pacifique. L'aube était déjà rose. Mais le grand concert des oiseaux et des insectes n'avait pas encore commencé. Robinson ouvrit les yeux beaucoup plus tard qu'à l'accoutumée. Il imagina, comme en panorama, toute la journée qui l'attendait, quand il comprit soudain la cause de son éveil tardif. Il avait oublié de regarnir la clepsydre la veille. Il se leva et alla s'encadrer dans la porte. L'éblouissement heureux qui l'enveloppa le fit chanceler. Plus tard, réfléchissant sur cette sorte d'extase qu'il avait saisie, il appela un moment d'innocence. Il avait d'abord cru que l'arrêt de la clepsydre n'avait fait que desserrer les mailles de son emploi du temps. Or, il s'apercevait que cette pause était moins son fait que celui de l'île tout entière. On aurait dit que, cessant soudain de s'incliner les unes vers les autres, les choses étaient retombées chacune de son essence, épanouissaient tous leurs attributs, existaient pour elles-mêmes, naïvement, sans chercher d'autres justifications que leur propre perfection. Il y avait quelque chose d'heureux suspendu dans l'air, et pendant un bref instant d'indicible allégresse, Robinson crut découvrir une autre île, derrière celle où il peinait solitairement depuis si longtemps, plus fraîche, plus chaude, plus fraternelle. Découverte merveilleuse, il était donc possible d'échapper à l'implacable discipline, sans pour autant retomber dans la souille. Il était possible de changer sans déchoir. Indiscutablement, il venait de gravir un degré dans la métamorphose qui travaillait le plus secret de lui-même. Mais ce n'était qu'un éclair passager. La larve avait pressenti dans une brève extase qu'elle volerait un jour. Enivrante, mais passagère vision. Nature's idylle. Ô ma terre mère, un monde d'or, îlot dans le temps où finissent corps au Finistère et où naissent infantes mandragores. Speranza. Éolienne, héliophane, maman, madone, femme. Contre terre et mer, on s'abandonne. L'espoir au zénith, car dans ces limbes pacifiques, on ne naît pas pour soi. Non, on ne naît pas pour soi. On est à soi. Speranza. Speranza. Robinson sentit son âme légère s'envoler vers une lourde nef de nuages qui croisait dans le ciel avec une majestueuse lenteur. Il sentait, comme jamais encore, qu'il était couché sur l'île, comme sur quelqu'un, qu'il avait le corps de l'île sous lui. Elle était nue, cette terre qui l'enveloppait. Il se mit nu lui-même. Les bras en croix, le ventre en émoi, il embrassait de toutes ses forces ce grand corps tellurique, brûlé toute la journée par le soleil, et qui libérait une sueur musquée dans l'air plus frais du soir. Son sexe creusa le sol comme un soc et s'y épancha dans une immense pitié pour toute chose créée. Étrange ce mail, à l'image du grand solitaire du Pacifique, Sigi. Maintenant, assommé, celui qui épousa la terre. Il fallut près d'une année à Robinson pour s'apercevoir que ses amours provoquaient un changement de végétation. C'est un verset du Cantique des Cantiques qui lui apporta une soudaine illumination. Les mandragores feront sentir leur parfum, promettait la jeune épousée. Était-il possible que Speranza atteint cette promesse biblique? Agenouillé devant l'une de ses plantes, il dégagea sa racine très doucement. C'était bien cela. Ses amours avec Speranza n'étaient pas demeurées stériles. La racine charnue et blanche, curieusement bifurquée, figurait indiscutablement le corps d'une petite fille. Il tremblait d'émotion et de tendresse en replaçant la mandragore dans son trou et en ramenant le sable autour de sa tige comme on borde un enfant dans son lit. Puis il s'en alla sur la pointe des pieds en prenant bien garde à ne pas en écraser quelque autre. I'm on my own, but I'm pure, old school spring water for. Define. Un mince filet de fumée blanche s'élevait dans le ciel pur. Robinson empoigna la longue vue et glissa le pistolet dans sa ceinture. Puis il se dirigea vers la baie. C'étaient trois pirogues à balancier qui étaient posées sur le sable. Avec sa longue vue, Robinson observait un cercle d'Indiens sur la plage. Une sorcière bondit tout à coup vers l'un des hommes et le désigna de son bras décharné. L'un d'eux se dirigea, une machette à la main, vers le coupable désigné que ses deux voisins avaient soulevé et projeté sur le sol. La machette s'abattit une première fois et le pagne de cuir vola. Elle allait retomber sur le corps nu quand le malheureux bondit sur ses pieds et s'élança droit vers Robinson avec une rapidité extraordinaire. Il approchait de seconde en seconde et la distance qui le séparait de ses deux poursuivants ne cessait de croître. Il fallait prendre une décision. Dans quelques instants, les trois Indiens allaient se retrouver nez à nez avec lui. Et cette découverte d'une victime inespérée allait peut-être les réconcilier. Ayant à se ranger dans le camp de la victime ou dans celui des bourreaux, la sagesse lui commandait de se faire l'allié des plus forts. Robinson visa au milieu de la poitrine le fugitif qui n'était plus qu'à 30 pas de lui et pressa la détente. Mais c'est le premier des poursuivants qui opéra un plongeon dans une gerbe de sable. L'Indien qui le suivait s'arrêta, se pencha sur le corps de son congénère, se releva, inspecta le rideau d'arbres où s'achevait la plage et, finalement, s'enfuit à toutes jambes vers le cercle de ses semblables. À quelques mètres de là, un homme noir et nu, d'esprit dévasté par la panique, inclinait son front jusqu'au sol et sa main cherchait pour le poser sur sa nuque le pied d'un homme blanc et barbu, hérissé d'armes, vêtu de peau de bic, la tête couverte d'un bonnet de fourrure et farci par trois millénaires de civilisation occidentale. Dieu m'a envoyé un compagnon, mais par un tour assez obscur de sa sainte volonté, il l'a choisi au plus bas degré de l'échelle humaine. Non seulement il s'agit d'un homme de couleur, mais tout en lui trahit le métis noir. Un Indien matiné de nègre, et s'il était encore d'âge racis, capable de mesurer calmement sa nullité en face de la civilisation que j'incarne, mais je serais étonné qu'il ait plus de 15 ans. Évidemment, il m'obéit au doigt et à l'œil. Mais il y a dans cette soumission quelque chose de trop parfait, de mécanique même, qui me glace. Si ce n'est là ce rire dévastateur, qu'il paraît ne pas pouvoir réprimer dans certains cas, et qui ressemble à la manifestation soudaine d'un diable qui serait en lui. Possédé. Oui, vendredi est possédé. Et même doublement possédé. Car il faut bien reconnaître qu'en dehors de ces éclats de rire diaboliques, c'est moi tout entier qui agis et pense en lui. Il fallait trouver un nom au nouveau venu. Je crois avoir résolu assez élégamment cette question en lui donnant le nom du jour de la semaine où je l'ai sauvé. Vendredi, ce n'est ni un nom de personne, ni un nom commun. C'est un mi-chemin entre les deux, celui d'une entité à demi-vivante, à demi-abstraite, fortement marquée par son caractère temporel, fortuit et comme épisodique. Mon paquetaine, mon chien et moi-même humains fument d'un naturel sauvage, mais il fallut s'y faire et il fallut s'y faire. Naufrage et de loin en loin, aucun feu ne s'allumère, ni insulaire ni sur les mers, pas de phare ni de balise, juste dame solitude en toi, les lames de fond qui te brisent. Nous ne sommes pour ainsi dire pas exactement en société, où s'incline horizon et peuple ses cornes, loin des côtes, des lois, deuils et mornes normes, avons la vie aux dents pour s'explorer. Alors telle et moi-même dans cette jungle en lame, nous métamorphosâmes. Que se cache-t-il derrière la forêt? Que se trame-t-il au fin fond des nuits? Que font ces factions cris d'orfraie dans la délabre de mon esprit? Que se cache-t-il derrière la forêt? Que se trame-t-il au fin fond des nuits? Que fait mon île annulée? Dans mes couloirs, c'est l'Italie, nevermind. Et on en mêlant où rien ne s'interpose à nos lubies. Nevermind. Et on en mêlant où rien ne s'interpose à nos lubies. Et on. Il y a la crêpe cidre, témoignage des temps où nous fûmes, vous fûtes, y sont et seront mes flûtes. Rien n'aura jamais été, si ce n'est de toute éternité à altérité. Et de loin en loin, rêvant sur les causes, en quête de divin, à dessein roulèrent nos bosses. Si j'étais personnage sujet d'un roman philosophie de contrebande, et que vous étiez en train de le lire là, en 2014, foule de postérieur bohème sur bidouillette, ne sentiriez-vous pas prémisse d'une narcoiserie naissante à vos commissures? Alors vous et vos caniches numériques, dans cette jungle hors date, vous métamorphosez. Que se cache-t-il derrière la forêt? Que se trame-t-il au fin fond des nuits? Que font ces factions au cri d'orfraie dans la délabre de mon esprit? Que se cache-t-il derrière la forêt? Que se trame-t-il au fin fond des nuits? Que fait mon île entonné dans mes tréfonds de ces psalmodies? Nevermind. Et on n'en mêlant de rien de cette apoisade aux lubies. Nevermind. Et on n'en mêlant de rien de cette apoisade aux lubies. Dans tes accès d'infinie miséricorde, Dieu, ne daignas-tu pas m'emporter dans ton naufrage tort? Connûmes les bateaux ivres des déprimes et apprimes à revivre. Connûmes les bateaux ivres des déprimes mais apprimes à revivre là où tombent les choses. Faites cela en mémoire de moi et pour la métamorphose. Que se cache-t-il derrière la forêt? Que se trame-t-il au fin fond des nuits? Que fait mon île annulée dans mes couloirs? C'est l'Italie, nevermind. Et on n'en mêlant de rien de Santa Rosa de Lubi. On n'en mêlant de rien de Santa Rosa de Lubi. Et on n'en mêlant de rien de Santa Rosa de Lubi. On n'en mêlant de rien de Santa Rosa de Lubi. Vendredi a appris assez d'anglais pour comprendre les ordres de Robinson. Il s'est défriché, labouré, semé, hercé, repiqué, sarclé, battre, moudre, bluter, pétrir et cuire. Il traie les chèvres, fait cailler le lait, ramasse les œufs de tortue, les fait cuire mollets, piège les bêtes puantes, ravaude les vêtements de son maître, cire ses bottes. Cependant, au fil du temps, Vendredi donnait à Robinson des soucis de plus en plus graves. Non seulement l'arrocan ne se fondait pas harmonieusement dans le système, mais, corps étranger, il menaçait de le détruire. Sous son apparente bonne volonté, il s'avérait complètement réfractaire aux notions d'ordre, d'économie, de calcul, d'organisation. L'ordre était une conquête fragile, durement gagnée sur la sauvagerie naturelle de l'île, pensa Robinson, qui ne pouvait s'offrir le luxe d'un élément perturbateur menaçant de détruire ce qu'il avait mis des années à édifier. Vendredi ne se posait pas ce genre de questions. Vendredi avait découvert le barillet à tabac. Il fumait la pipe en cachette de son maître. La punition, s'il était découvert, serait sans doute exemplaire, car la provision de tabac touchait à sa fin et Robinson ne s'accordait plus désormais qu'une pipe tous les deux mois. Ce jour-là, Robinson était descendu inspecter la rizière. Vendredi mit le barillet à tabac sous son bras et alla s'installer dans la grotte. Il rêve de longues minutes et s'apprête à tirer une nouvelle bouffée quand l'écho lointain de cris parvient jusqu'à lui. Robinson est revenu plus tôt que prévu et l'appelle d'une voix qui ne présage rien de bon. Que faire de la pipe? Vendredi la jette de toutes ses forces dans le fond de la grotte, puis il marche bravement vers le châtiment. C'est alors que les 40 tonneaux de poudre noire parlent en même temps. Un torrent de flammes rouges jaillit de la grotte. Dans une dernière lueur de conscience, Robinson se sent soulevé, emporté, tandis qu'il voit le chaos rocheux qui surmonte la grotte, culbuté comme un jeu de construction. Robinson regarda autour de lui d'un air hébété. Le cataclysme qui venait d'avoir lieu, il y aspirait secrètement. En vérité, l'île administrée lui pesait à la fin presque autant qu'à vendredi. Un nouveau Robinson se débattait dans sa vieille peau et acceptait à l'avance de laisser crouler l'île administrée pour s'enfoncer à la suite d'un initiateur irresponsable dans une voie inconnue. Robinson renonça à se raser le crâne, et ses cheveux se tordirent en boucles fauves de jour en jour plus exubérantes. En revanche, il coupa sa barbe déjà saccagée par l'explosion. Du même coup, il perdit son aspect solennel et patriarcal, ce côté Dieu le Père qui appuyait si bien son ancienne autorité. Il rajeunit ainsi d'une génération, et un coup d'œil au miroir lui révéla même qu'il existait désormais une ressemblance évidente entre son visage et celui de son compagnon. Des années durant, il avait été à la fois le maître et le père de Vendredi. En quelques jours, il devint son frère. Et il n'était pas sûr que ce fût son frère aîné. Sur le miroir mouillé de la lagune, je vois Vendredi venir à moi. Et le désert de ciel et d'eau est si vaste autour de lui que plus rien ne donne l'échelle. De telle sorte que c'est peut-être un Vendredi de 3 pouces placé à portée de ma main qui est là. Ou au contraire, un géant de 6 toises, distant d'un demi-mille. Le voici. Saurais-je jamais marcher avec une aussi naturelle majesté? Il va, portant sa chair avec une ostentation souveraine, beauté évidente, brutale, qui paraît faire le néant autour d'elle. Et un mot me vient à l'esprit, la vénusté de Vendredi. Je ne sais pas exactement ce que signifie ce substantif assez rare, mais cette chair luisante et ferme, ces gestes de danse alentis par l'étreinte de l'eau, cette grâce naturelle et gaie, l'appellent irrésistiblement sur mes lèvres. Et puis, le Vendredi, c'est, si je ne me trompe, le jour de Vénus. Cependant, Vénus n'est pas sortie des eaux et n'a pas foulé mes rivages pour me séduire, mais pour me tourner de force vers son père, Uranos. C'est chose faite aujourd'hui. Mes amours avec Speranza s'inspiraient encore fortement des modèles humains. En somme, je fécondais cette terre comme j'aurais fait une épouse. Vendredi m'a contraint à une conversion plus radicale. Le coup de volupté brutale qui transperce les reins de l'amant s'est transformé pour moi en une jubilation douce qui m'enveloppe et me transporte des pieds à la tête aussi longtemps que le soleil Dieu me baigne de ses rayons. En vérité, au suprême degré où nous avons accédé, Vendredi et moi, la différence de sexe est dépassée. Et Vendredi peut s'identifier à Vénus. Tout de même qu'on peut dire en langage humain que je m'ouvre à la fécondation de l'astre majeur. Fire navigue-t-elle dans mes veines, ta cargaison en pure ébène, ami Vendredi? Serions-nous tous du pareil au même, circulant de moins à plus l'infini? Fire, et s'ils m'ont vu te sauver, tout en temps palace. Friday, Friday is the day I found a new sense of life. Venus was ringing the bells of Vico. Friday, Friday, hello world, now you'll try the prize. I'll tell. Soit l'autre ou moi-même, pour ce que j'en dis, chaque endroit où pousse nature humaine, nos différences on pourrait en faire paradis. Friday, Friday is the day I found a new sense of life. Venus was shining like a rainbow. Friday, Friday, hello world, took me by surprise. I'll tell, ego. Friday, Friday is the day I found a new sense of life. Venus was ringing the bells of Vico. Friday, Friday, hello world, I love to say it twice. I'll tell. Ce matin, debout avant le jour, chassé de ma couche par une angoisse lancinante, j'ai erré parmi les choses, désolé par la trop longue absence du soleil. Suspendu au-dessus des dunes du Levant, une chapelle ardente rougeoyait. J'ai mis un genou à terre et je me suis recueilli, attentif à la métamorphose de la nausée qui m'habitait en une attente mystique. Quand j'ai levé les yeux, la chapelle ardente avait éclaté, et c'était maintenant un grand reposoir qui encombrait la moitié du ciel de sa masse ruisselante d'or et de pourpre. Le premier rayon qui a jailli s'est posé sur mes cheveux rouges, telle la main tutélaire et bénissante d'un père. Le second rayon a purifié mes lèvres, comme avait fait jadis un charbon ardent, celle du prophète Isaïe. Ensuite, deux épées de feu ayant touché mes épaules, je me suis relevé, chevalier solaire. Aussitôt, une volée de flèches brûlantes a percé ma face, ma poitrine et mes mains. Et la pompe grandiose de mon sacre s'est achevée tandis que mille diadèmes et mille sceptres de lumière couvraient ma statue surhumaine. Vendredi récoltait des fleurs de myrte lorsqu'il aperçut un point blanc à l'horizon. Aussitôt, il sauta de branche en branche jusqu'au sol et courut d'une traite prévenir Robinson qui achevait de se raser la barbe. Le visiteur doublait les dunes du Levant et, très probablement, mouillerait dans la baie du Salut. Il importait, avant toute chose, de reconnaître sa nationalité. Robinson s'avança jusqu'au dernier rideau d'arbres bordant la plage et braqua la longue vue sur le navire. Il identifia des compatriotes au pavillon de l'Union Jack. Dès lors, il fit quelques pas sur la plage, comme il sied à un souverain venant accueillir des étrangers en visite sur son sol. Robinson mesura tout à coup le poids extraordinaire des quelques instants qui restaient avant que l'homme de proue croche dans les rochers avec sa gaffe. Comme un mourant avant de rendre l'âme, il embrassait d'une vision panoramique toute sa vie dans l'île. et surtout cette vaste plage de temps, vierge de toute mesure, où sa métamorphose solaire s'était accomplie dans un calme bonheur. Il y eut un raclement, et l'étrave de l'embarcation se souleva avant de s'immobiliser. Les hommes sautèrent dans le déferlement des vagues. La barbe noire tendit la main à Robinson. William Hunter, de Blackpool, commandant de la goélette, le Whitebird. Robinson lui demanda « Quel jour sommes-nous ?» Vendredi et moi, on se balade le long de nos utopies. Peuvent bien passer goélettes de hasard. Tout ce temps vécu au large, sur nos océans pacifiques, qu'un des trois mondes n'y débarque pas en fanfare. Don't wanna go back to the place where I come from, never more under your wing. Don't wanna stay on the white boat, my captain. Cessait de remplir Robinson de stupeur. Ainsi, s'il n'avait pas fait naufrage sur les récifs de Speranza, il serait presque quinquagénaire. Il serait peut-être même grand-père, car rien de tout cela ne s'était produit. Speranza se dressait comme la lumineuse négation de toute cette sinistre dégradation. En vérité, il était plus jeune aujourd'hui que le jeune homme pieux et avare qui s'était embarqué sur la Virginie. Il était d'une jeunesse minérale, divine, solaire. Chaque matin était pour lui un premier commencement, le commencement absolu de l'histoire du monde, sous le soleil Dieu. Speranza vibrait dans un présent perpétuel, sans passé ni avenir. Il n'allait pas s'arracher à cet éternel instant pour choir dans un monde d'usure, de poussière et de ruines. C'est là qu'il prit conscience de la décision qui mûrissait inexorablement en lui de laisser repartir le Whitebird et de demeurer dans l'île. Soleil, Es-tu content de moi? Regarde-moi. Ma métamorphose m'a-t-elle assez dans le sens de ta flamme? Je suis une flèche dardée vers ton foyer, un pendule dont le profil perpendiculaire définit ta souveraineté sur la terre, le style du cadran solaire sur lequel une aiguille d'ombre inscrit ta marche. Je suis ton témoin, debout sur cette terre, comme une épée trempée dans ta flamme. Fiction Pop, une collection de France Culture, en partenariat avec la direction de la musique de Radio France. Vendredi ou les Lames du Pacifique, de Michel Tournier. Création musicale et chansons, Romain Humeau. Enregistré avec les musiciens de l'Orchestre National de France. Texte interprété par Denis Lavant. Une création radiophonique réalisée par Alexandre Planck. Adaptation du texte original, Pauline Timonier. Musiciens, Romain Humeau, Nicolas Bonnière et Guillaume Marceau. Réalisation musicale et arrangement pour l'Orchestre National de France, Romain Humeau. Prise de son, montage et mixage, Jean-Michel Coqui et Jean-Benoît Tétu. Musicien metteur en ondes, Paul Malinowski. Assistante à la réalisation, Leslie Menahem. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Production déléguée et idée originale, Romain Méril et Alexandre Planck. Une émission produite et proposée par le service des fictions de France Culture, dirigée par Blandine Masson, en partenariat avec la direction de la musique de Radio France. Remerciements au label Pias, Strictly Confidential et Poil de Planète, à Sylvain Taillé, à Monsieur Jacques Loriol et aux éditions Radio France. Vendredi ou Les Lames du Pacifique est publié aux éditions Gallimard.